Première partie de Des destinées de la poésie par Alphonse de Lamartine. L'homme n'a rien de plus inconnu autour de lui que l'homme même. Les phénomènes de sa pensée, les lois de sa civilisation, les phases de ses progrès ou de ses décadences sont les mystères qu'il a le moins pénétrés. Il connaît mieux la marche des globes célestes qui roulent à des millions de lieues de la portée de ses faibles sens qu'il ne connaît les routes terrestres par lesquelles la destinée humaine le conduit à son insu. Il sent qu'il gravit vers quelque chose, mais il ne sait où va son esprit. Il ne peut dire à quel point précis de son chemin il se trouve. Jeté loin de la vue des rivages sur l'immensité des mers, le pilote peut prendre hauteur et marquer avec le compas la ligne du globe qu'il traverse ou qu'il suit. L'esprit humain ne le peut pas. Il n'a rien hors de soi-même à quoi il puisse mesurer sa marche. Et toutes les fois qu'il dit « je suis ici, je vais là, j'avance, je recule, je m'arrête », il se trouve qu'il s'est trompé et qu'il a menti à son histoire. Histoire qui n'est écrite que bien longtemps après qu'il a passé, qui jalonne ses traces après qu'il les a imprimées sur la terre, mais qui, d'avance, ne peut lui tracer son chemin. Dieu seul connaît le but et la route. L'homme ne sait rien. Faux prophète, il prophétise à tout hasard. Et quand les choses futures éclosent au rebours de ses prévisions, il n'est plus là pour recevoir le démenti de la destinée. Il est couché dans sa nuit et dans son silence. Il dort son sommeil et d'autres générations écrivent sur sa poussière d'autres rêves aussi vains, aussi fugitifs que les siens. Religion, politique, philosophie, système. L'homme a prononcé sur tout. Il s'est trompé sur tout. Il a cru tout définitif et tout s'est modifié. Tout immortel et tout a péri. Tout véritable et tout a menti. Mais ne parlons que de poésie. Je me souviens qu'à mon entrée dans le monde, il n'y avait qu'une voix sur l'irrémédiable décadence, sur la mort accomplie et déjà froide de cette mystérieuse faculté de l'esprit humain. C'était l'époque de l'Empire. C'était l'heure de l'incarnation de la philosophie matérialiste du XVIIIe siècle, dans le gouvernement et dans les mœurs. Tous ces hommes géométriques, qui seuls avaient alors la parole et qui nous écrasaient, nous autres jeunes hommes, sous l'insolente tyrannie de leur triomphe, croyaient avoir desséché pour toujours en nous ce qu'ils étaient parvenus en effet à flétrir et à tuer, en eux, toute la partie morale, divine, mélodieuse, de la pensée humaine. Rien ne peut peindre à ceux qui ne l'ont pas subi l'orgueilleuse stérilité de cette époque. C'était le sourire satanique d'un génie infernal quand il est parvenu à dégrader une génération tout entière, à déraciner tout un enthousiasme national, à tuer une vertu dans le monde. Ces hommes avaient le même sentiment de triomphante impuissance dans le cœur et sur les lèvres quand ils nous disaient « amour, philosophie, religion, enthousiasme, liberté, poésie, néant que tout cela. Calcul et force, chiffres et sabres, tout est là. Nous ne croyons que ce qui se prouve, nous ne sentons que ce qui se touche. La poésie est morte avec le spiritualisme dont elle était née. Et ils disaient vrai, elle était morte dans leurs âmes, morte dans leurs intelligences, morte en eux et autour d'eux. Par un sûr et prophétique instinct de leur destinée, ils tremblaient qu'elle ne ressuscitât dans le monde avec la liberté. Ils en jetaient au vent les moindres racines, à mesure qu'il en germait sous leurs pas, dans leurs écoles, dans leurs lycées, dans leurs gymnases, surtout dans leurs noviciats militaires et polytechniques. Tout était organisé contre cette résurrection du sentiment moral et poétique. C'était une ligue universelle des études mathématiques contre la pensée et la poésie. Le chiffre seul était permis, honoré, protégé, payé. Comme le chiffre ne résonne pas, comme c'est un merveilleux instrument passif de tyrannie qui ne demande jamais à quoi on l'emploie, qui n'examine nullement si on le fait servir à l'oppression du genre humain ou à sa délivrance, au meurtre de l'esprit ou à son émancipation. Le chef militaire de cette époque ne voulait pas d'autre missionnaire, pas d'autre séide. Et ce séide le servait bien. Il n'y avait pas une idée en Europe qui ne fût foulée sous son talon, pas une bouche qui ne fût bâillonnée par sa main de plomb. Depuis ce temps, j'abhorre le chiffre, cette négation de toute pensée, et il m'est resté contre cette puissance des mathématiques, exclusive et jalouse, le même sentiment, la même horreur, qui reste au forçat contre les fers durs et glacés, rivés sur ses membres, et dont il croit éprouver encore la froide et meurtrissante impression, lorsqu'il entend le cliquetis d'une chaîne. Les mathématiques étaient les chaînes de la pensée humaine. Je respire, elles sont brisées. Deux grands génies, que la tyrannie surveillait d'un œil inquiet, protestaient seuls contre cet arrêt de mort de l'âme, de l'intelligence et de la poésie, Madame de Staël et Monsieur de Chateaubriand. Madame de Staël, génie mâle dans un corps de femme, esprit tourmenté par la surabondance de sa force, remuant, passionné, audacieux, capable de généreuses et soudaines résolutions, ne pouvant respirer dans cette atmosphère de lâcheté et de servitude, demandant de l'espace et de l'air autour d'elle, attirant, comme par un instinct magnétique, tout ce qui sentait fermenter en soi un sentiment de résistance ou d'indignation concentrée. À elle seule, conspiration vivante, aussi capable d'ameuter les hautes intelligences contre cette tyrannie de la médiocrité régnante, que de mettre le poignard dans la main des conjurés, ou de se frapper elle-même pour rendre à son âme la liberté qu'elle aurait voulu rendre au monde. Créature d'élite et d'exception, dont la nature n'a pas donné deux épreuves, réunissant en elle Corinne et Mirabeau, tribun sublime, au cœur tendre et expansif de la femme, femme adorable et miséricordieuse, avec le génie des Gracques et la main du dernier des Catons. Ne pouvant susciter un généreux élan dans sa patrie, dont on la repoussait comme on éloigne l'étincelle d'un édifice de chaume, elle se réfugiait dans la pensée de l'Angleterre et de l'Allemagne, qui seules vivaient alors de vie morale, de poésie et de philosophie, et lançait de là dans le monde ces pages sublimes et palpitantes que le pilon de la police écrasait, que la douane de la pensée déchirait à la frontière, que la tyrannie faisait bafouer par ces grands hommes jurés, mais dont les lambeaux échappés à leurs mains flétrissantes venaient nous consoler de notre avilissement intellectuel et nous apporter à l'oreille et au cœur ce souffle lointain de morale, de poésie, de liberté que nous ne pouvions respirer sous la coupe pneumatique de l'esclavage et de la médiocrité. Monsieur de Chateaubriand, génie alors plus mélancolique et plus suave, mémoire harmonieuse et enchantée d'un passé dont nous foulions les cendres et dont nous retrouvions l'âme en lui, imagination homérique jetée au milieu de nos convulsions sociales, semblable à ces belles colonnes de Palmyre, restées debout et éclatantes, sans brisure et sans tache, sur les tentes noires et déchirées des Arabes, pour faire comprendre, admirer et pleurer le monument qui n'est plus. Homme qui cherchait l'étincelle du feu sacré dans les débris du sanctuaire, dans les ruines encore fumantes des temples chrétiens, et qui, séduisant les démolisseurs même par la pitié et les indifférents par le génie, retrouvait des dogmes dans le cœur et rendait de la foi à l'imagination. Les mots de liberté et de vertu politique sonnaient moins souvent et moins haut dans ces pages toutes poétiques. Ce n'était pas le Dante d'une Florence asservie, c'était le Tasse d'une patrie perdue, d'une famille de rois proscrits, chantant ses amours trompés, ses autels renversés, ses tours démolies, ses dieux et ses rois chassés, les chantant à l'oreille des proscripteurs, sur les bords même des fleuves de la patrie. Mais son âme grande et généreuse donnait au chant du poète quelque chose de l'accent du citoyen. Il remuait toutes les fibres généreuses de la poitrine, il ennoblissait la pensée, il ressuscitait l'âme. C'était assez pour tourmenter le sommeil des geôliers de notre intelligence. Par je ne sais quel instinct de leur nature, ils pressentaient un vengeur dans cet homme qui les charmait, malgré eux. Ils savaient que tous les nobles sentiments se touchent et s'engendrent, et que dans des cœurs où vibre le sentiment religieux et les pensées mâles et indépendantes, leur tyrannie aurait à trouver des juges et la liberté des complices. Depuis ces jours, J'ai aimé ces deux génies précurseurs qui m'apparurent, qui me consolèrent à mon entrée dans la vie, Staël et Chateaubriand. Ces deux noms remplissent bien du vide, éclairent bien de l'ombre. Ils furent pour nous comme deux protestations vivantes contre l'oppression de l'âme et du cœur, contre le dessèchement et l'avilissement du siècle. Ils furent l'aliment de nos toits solitaires, le pain caché de nos âmes refoulées. Ils prirent sur nous comme un droit de famille. Ils furent de notre sang, nous fûmes du leur. Et il est peu d'entre nous qui ne leur doivent ce qu'il fut, ce qu'il est ou ce qu'il sera. En ce temps-là, je vivais seul, le cœur débordant de sentiments comprimés, de poésies trompées. Tantôt à Paris, noyé dans cette foule, où l'on ne coudoyait que des courtisans ou des soldats. Tantôt à Rome, où l'on entendait d'autres bruits que celui des pierres qui tombaient, une à une, dans le désert de ces rues abandonnées. Tantôt à Naples, où le ciel tiède, la mer bleue, la terre embaumée, m'enivrait sans m'assoupir, et où une voix intérieure me disait toujours qu'il y avait quelque chose de plus vivant, de plus noble, de plus délicieux pour l'âme, que cette vie engourdie des sens et que cette voluptueuse mollesse de sa musique et de ses amours. Plus souvent, je rentrais à la campagne pour passer la mélancolique automne dans la maison solitaire de mon père et de ma mère, dans la paix, dans le silence, dans la sainteté domestique des douces impressions du foyer. Le jour courant les forêts, le soir lisant ce que je trouvais sur les vieux rayons de ces bibliothèques de famille. Job, Homère, Virgile, Le Tasse, Milton, Rousseau et surtout Ossian et Paul et Virginie. Ces livres amis me parlaient dans la solitude la langue de mon cœur, une langue d'harmonie, d'images et de passions. Je vivais tantôt avec l'un, tantôt avec l'autre, ne les changeant que quand je les avais pour ainsi dire épuisés. Tant que je vivrai, je me souviendrai de certaines heures de l'été que je passais couché sur l'herbe dans une clairière des bois à l'ombre d'un vieux tronc de pommiers sauvages en lisant la Jérusalem délivrée. Et de tant de soirées d'automne ou d'hiver passées à errer sur les collines déjà couvertes de brouillards et de givres avec Ossian ou Werther pour compagnon. Tantôt soulevé par l'enthousiasme intérieur qui me dévorait, courant sur les bruyères comme porté par un esprit qui empêchait mes pieds de toucher le sol, tantôt assis sur une roche grisâtre, le front dans mes mains, écoutant, avec un sentiment qui n'a pas de nom, le souffle aigu et plaintif des bises d'hiver, ou le roulis des lourds nuages qui se brisaient sur les angles de la montagne, ou la voix aérienne de l'alouette que le vent emportait toute chantante dans son tourbillon, comme ma pensée, plus forte que moi, emportait mon âme. Ces impressions étaient-elles joie ou tristesse, douleur ou souffrance? Je ne pourrais le dire. Elles participaient de tous les sentiments à la fois. C'était de l'amour et de la religion, des pressentiments de la vie future, délicieuse et triste, comme elle, des extases et des découragements, des horizons de lumière et des abîmes de ténèbres, de la joie et des larmes, de l'avenir et du désespoir. C'était la nature parlant par ses mille voix au cœur encore vierge de l'homme. Mais enfin, c'était de la poésie. Cette poésie, j'essayais quelquefois de l'exprimer dans des vers. Mais ces vers, je n'avais personne à qui les faire entendre. Je me les lisais quelques jours, à moi-même. Je trouvais, avec étonnement, avec douleur, qu'ils ne ressemblaient pas à tous ceux que je lisais dans les recueils ou dans les volumes du jour. Je me disais, on ne voudra pas les lire, ils paraîtront étranges, bizarres, insensés. Et je les brûlais à peine écrits. J'ai anéanti ainsi des volumes de cette première et vague poésie du cœur, et j'ai bien fait, car à cette époque, ils seraient éclos dans le ridicule et mort dans le mépris de tout ce qu'on appelait la littérature. Ce que j'ai écrit depuis ne valait pas mieux, mais le temps avait changé. La poésie était revenue en France avec la liberté, avec la pensée, avec la vie morale que nous rendit la Restauration. Il semble que le retour des Bourbons et de la liberté en France donna une inspiration nouvelle, une autre âme à la littérature opprimée ou endormie de ce temps. Et nous vîmes surgir alors une foule de ces noms célèbres dans la poésie ou dans la philosophie qui peuplent encore nos académies et qui forment le chaînon brillant de la transition des deux époques. Qui m'aurait dit alors que 15 ans plus tard, la poésie inonderait l'âme de toute la jeunesse française, qu'une foule de talents d'un ordre divers et nouveau aurait surgi de cette terre morte et froide, que la presse, multipliée à l'infini, ne suffirait pas à répandre les idées ferventes d'une armée de jeunes écrivains, que les drames se heurteraient à la porte de tous les théâtres, que l'âme lyrique et religieuse d'une génération de bardes chrétiens inventerait une nouvelle langue pour révéler des enthousiasmes inconnus, que la liberté, la foi, la philosophie, la politique, les doctrines les plus antiques comme les plus neuves, lutteraient à la face du soleil, de génie, de gloire, de talents et d'ardeur, et qu'une vaste et sublime mêlée des intelligences couvrirait la France et le monde du plus beau comme du plus hardi mouvement intellectuel qu'aucun de nos siècles eût encore vu. Qui m'eût dit cela alors, je ne l'aurais pas cru. Et cependant, cela est. La poésie n'était donc pas morte dans les âmes, comme on le disait dans ces années de scepticisme et d'algèbre. Et puisqu'elle n'est pas morte à cette époque, elle ne meurt jamais. Tant que l'homme ne mourra pas lui-même, la plus belle faculté de l'homme peut-elle mourir ? Qu'est-ce en effet que la poésie ? Comme tout ce qui est divin en nous, cela ne peut se définir par un mot ni par mille. C'est l'incarnation de ce que l'homme a de plus intime dans le cœur et de plus divin dans la pensée. Dans ce que la nature visible a de plus magnifique dans les images et de plus mélodieux dans les sons, c'est à la fois sentiment et sensation, esprit et matière. Et voilà pourquoi c'est la langue complète, la langue par excellence, qui saisit l'homme par son humanité tout entière. Idée pour l'esprit, sentiment pour l'âme, image pour l'imagination et musique pour l'oreille. Voilà pourquoi cette langue, quand elle est bien parlée, foudroie l'homme comme la foudre et l'anéantit de convictions intérieures et d'évidences irréfléchies, ou l'enchante comme un filtre et le berce immobile et charmé comme un enfant dans son berceau au refrain sympathique de la voix d'une mère. Voilà pourquoi aussi l'homme ne peut ni produire ni supporter beaucoup de poésie. C'est que, le saisissant tout entier par l'âme et par les sens, et exaltant à la fois sa double faculté, la pensée par la pensée, les sens par les sensations, elle l'épuise, elle l'accable bientôt, comme toute jouissance trop complète d'une voluptueuse fatigue, et lui fait rendre, en peu de vers, en peu d'instants, tout ce qu'il y a de vie intérieure et de force de sentiment dans sa double organisation. La prose ne s'adresse qu'à l'idée. Le vers parle à l'idée et à la sensation, tout à la fois. Cette langue toute mystérieuse, toute instinctive qu'elle soit, ou plutôt par cela même qu'elle est instinctive et mystérieuse, cette langue ne mourra jamais. Elle n'est point, comme on a cessé de le dire malgré les démentis successifs de toutes les époques, elle n'est pas seulement la langue de l'enfance des peuples, le balbutiement de l'intelligence humaine. Elle est la langue de tous les âges de l'humanité, naïve et simple au berceau des nations, conteuse et merveilleuse comme la nourrice au chevet de l'enfant, amoureuse et pastorale chez les peuples jeunes et pasteurs, guerrière et épique chez les hordes guerrières et conquérantes, mystique, lyrique, prophétique ou sentencieuse dans les théocraties de l'Égypte ou de la Judée, grave, philosophique et corruptrice dans les civilisations avancées de Rome, de Florence ou de Louis XIV, échevelée et hurlante aux époques de convulsions et de ruines comme en 93, neuve, mélancolique, incertaine, timide et audacieuse, tout à la fois, au jour de renaissance et de reconstruction sociale, comme aujourd'hui. Plus tard, à la vieillesse des peuples, triste, sombre, gémissante et découragée comme eux, et respirant à la fois dans ses strophes les pressentiments lugubres, les rêves fantastiques des dernières catastrophes du monde, et les fermes et divines espérances d'une résurrection de l'humanité sous une autre forme. Voilà la poésie. C'est l'homme même, c'est l'instinct de toutes ces époques, c'est l'écho intérieur de toutes ces impressions humaines, c'est la voix de l'humanité pensant et sentant, résumée et modulée par certains hommes, plus hommes que le vulgaire, manse dit Wignor, et qui plane sur ce bruit tumultueux et confus des générations et dur après elles, et qui rend témoignage à la postérité de leurs gémissements ou de leur joie, de leurs faits ou de leurs idées. Cette voix ne s'éteindra jamais dans le monde, car ce n'est pas l'homme qui l'a inventée. C'est Dieu même qui la lui a donnée, et c'est le premier cri qui est remonté à lui de l'humanité. Ce sera aussi le dernier cri que le Créateur entendra s'élever de son œuvre quand il la brisera. Sortie de lui, elle remontera à lui. Fin de la première partie.